Dans le fond, c'est tout le temps pour instrumentaliser le monde. Tout le temps. L'instrumentalisation des vieilles mémoires. Puis même des fois, c'est même pas décidé par. C'est des programmations, puis le monde, sans s'en rendre compte, ils les peuplent, puis ils accomplissent des programmations, puis ils s'en rendent pas compte. Au fond, les Israélites, ils ont tout le temps voulu détruire les Cananéens, les Philistins, puis mais c'est encore de même, mais ça fait partie de leur âme. Donc, ça fait partie de ces peuples-là aussi de résister. Donc, finalement, tout le monde est mené en bateau là-dedans. Même ceux qui mènent le bateau. Puis c'est sûr qu'il en sortira. C'est sûr que ça va avoir des effets durables sur la région. Dans le sens que, ben, Israël, moi, d'après moi, la bande de Gaza, elle va rapetisser. Puis c'est pareil pour les territoires plus à l'est. La carte va continuer à grandir.